Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on parle de la COP26 et de l'action de l'Union Européenne en faveur du climat. L'Union Européenne participe à la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP26, qui se déroule du 1er au 12 novembre à Glasgow, en Écosse. Et qui réunit-elle cette COP26 ? Elle réunit les gouvernements, les entreprises, les autorités locales et la société civile pour débattre de l'action à mener au niveau mondial en faveur du climat. Quels sont les objectifs pour cette COP26 ? Alors, les principaux objectifs de la COP26, ils visent à l'échelle planétaire à relever l'ambition mondiale en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour tenir les objectifs de température inscrits dans l'accord de Paris. Un autre objectif, c'est de s'accorder sur le financement de l'action pour le climat après 2025 et notamment sur le soutien aux communautés qui subissent des pertes et des préjudices liés au changement climatique. Pour rappel déjà, est-ce que tu peux nous rappeler ce que contenait l'accord de Paris ? Oui, alors l'accord de Paris, qui a été adopté en décembre 2015 à l'occasion de la COP21, il vise à éviter les dangers liés au dérèglement climatique en maintenant le réchauffement de la planète largement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et en poursuivant les efforts fournis pour limiter ce réchauffement à 1,5 degré. Il est entré en vigueur le 4 novembre 2016 et 191 pays ainsi que l'Union européenne l'ont à présent ratifié. Aujourd'hui, quelles sont les attentes de l'Union européenne en ce qui concerne la COP26 ? Eh bien, l'Union européenne attend des engagements continus pour l'accélération de l'action pour le climat et ainsi tenir les objectifs de température fixés dans l'accord de Paris. Le dernier rapport de synthèse de la Convention cadre des Nations Unies conclut que la communauté internationale est encore loin d'avoir pris les mesures nécessaires pour limiter le réchauffement. L'Union européenne souhaite donc maintenir la pression et convaincre en particulier les pays les plus grands émetteurs de prendre d'urgence des mesures pour réduire plus rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Quelles sont les autres attentes de l'Union européenne pour cette COP26 ? Alors que les pays développés se sont également fixés pour objectif à Paris de mobiliser collectivement 100 milliards de dollars par an entre 2020 et 2025 pour aider les pays en développement et que l'Union européenne et ses États membres constituent ensemble le principal bailleur international de fonds publics destinés à la lutte contre le changement climatique, elle souhaite aussi que d'autres pays développés contribuent davantage. L'Union européenne souhaite donc que les engagements en faveur du climat soient respectés par les différentes parties. Et oui, l'Union européenne souhaite d'ailleurs achever les règles d'application nécessaires pour assurer justement la mise en œuvre effective de l'accord de Paris, notamment que les parties définissent des règles communes pour déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre et ainsi pouvoir suivre les progrès accomplis dans la réalisation de leurs objectifs nationaux. Enfin, pour respecter l'accord de Paris, l'Union européenne, elle souhaite que soit mis sur pied un nouveau mécanisme international de certification des compensations carbone. Merci Camille, on va marquer une pause dans cette émission européenne, Europe On Air, avec la chanson Do It Now, A Thing for the Planet du groupe belge flamand Big Ask et on se retrouve après pour parler de la COP26. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. retour sur Radio Faget pour l'émission Europe en Air présentée par le Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on parle de la COP26 et de l'action de l'Union européenne en faveur du climat. Et peut-être que cette COP26 est aussi l'occasion de rappeler ce que fait l'Union européenne à son niveau pour réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre. Oui, alors l'Union européenne, elle est pionnière dans la transition verte. Entre 1990 et 2020, les émissions totales de gaz à effet de serre de l'Union européenne ont diminué de 31%, tandis que son économie a progressé de plus de 60%. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a inscrit l'action pour le climat au rang des priorités absolues de l'Union européenne. Elle a ainsi lancé le Pacte vert pour l'Europe, soulignant la nécessité d'être encore plus ambitieux et d'accélérer la prise de mesures afin que l'Europe devienne le premier continent neutre sur le plan climatique d'ici à 2050. Quels autres engagements concrets l'Union européenne a-t-elle pris ? En décembre 2020, l'Union européenne a relevé son ambition en matière d'action pour le climat et augmenté sa contribution dans le cadre de l'accord de Paris afin de réduire là aussi ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030, toujours par rapport au niveau de 90, et ainsi atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050. Ces objectifs y sont contraignants pour l'Union européenne en vertu de la loi européenne sur le climat qui a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne et qui est entrée en vigueur en juillet 2021. Et peux-tu nous donner des exemples concrets de comment ça se traduit dans les faits ? Eh bien oui, alors en juillet 2021, la Commission européenne a présenté un ensemble de propositions législatives qui montrent la voie à suivre pour que l'Union européenne atteigne ses nouvelles réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Ces propositions, elles prévoient notamment des objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, de protection et de multiplication des puits de carbone. Elles prévoit également le déploiement plus rapide des transports à faibles émissions, y compris de l'infrastructure et des carburants, ainsi qu'un alignement des politiques fiscales sur les objectifs du Pacte vert pour l'Europe, ainsi que des mesures qui visent à prévenir les fuites de carbone. Voilà pour la COP26. Et Camille, tu souhaitais aussi nous parler d'un événement que tu organises prochainement. Oui, dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui a été lancée par les institutions européennes, nous organisons avec les Centres Europe Direct, Lorraine Grand Test, Sarrebruck et Université du Luxembourg, un dialogue citoyen pour les jeunes de la grande région et on les invite donc à participer à ce dialogue qui sera digital les 24 et 26 novembre 2021. Et quel est l'objectif de ce dialogue ? Alors ce dialogue, il sera l'occasion d'échanger avec d'autres jeunes de Lorraine, de Sarre et du Luxembourg pour développer ensemble des idées innovantes pour construire l'Europe numérique, durable et sociale de demain. Et comment ça va se dérouler ce dialogue ? Eh bien le 24 novembre après-midi, accompagnés d'experts du monde économique et politique, les jeunes pourront débattre dans un groupe trinational sur l'emploi et la formation à l'ère digitale, la mobilité verte ou encore sur comment protéger et améliorer les droits sociaux en Europe. Et ensuite ? Le 26 novembre, les participants aux ateliers présenteront leurs idées à un panel de responsables politiques et associatifs. L'événement y sera retransmis en direct sur notre page Facebook Europe Direct Territoire Lorrain et pourra être suivi par toutes et tous. Et pour s'inscrire, comment on fait ? Eh bien, la participation à cet événement, donc, elle est gratuite. Il suffit juste de s'inscrire à l'atelier du 24 novembre en ligne. Vous trouverez le formulaire d'inscription sur notre site internet europedirect-territoire.com, rubrique événements, et ce, avant le 22 novembre. On compte sur votre participation. Merci beaucoup Camille, c'était la chronique Europe on Air sur Radio Faget présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. À bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien. À très vite.